dans les gosiers, pédé ta go. M'en vend des pixels, très bas, bisous. La pose, un berg, t'as ou la bain cool. Berk, que t'en t'en fout, n'y est pour rapota. Ya, la bain douza. Que t'en la dosa. Kam les trap nafs, son rébou, le goza. Vers qui bro collège, comme le clé, le cam, le kishi, dans son sousa. P, khati la douza, d'ak le wak, fomor, on s'en charge, j'm kouza. A, O, grandi double temps, S, venture à bord des flacs, caravan. O, ziplac, zigzag, bénef. On y va Jagda après midi, lendemain rien n'est fait en France mais j'ai baby. Hey you, bisous bête def, Ken, tous, j'ai mis d'attaque. Zéro non time, faux ça, conda, double top, fuck top, pack 12, whisky d'au. Fidicus, fado, blowjob, boost à droge. Hannibal, shit, bédigan, que me j'ouvre mes nez, joja. Hit that, take that, freestyle, j'aboutis couche. Taribal, zitten, m'appelle bis, tu couches pas. Fidicus, fado, blowjob, boost à droge. Chaque couleur, il te confère. Chaque couleur, il te confère. We'll be right back. الحدود بسلاح للدفاع عن أرضي كبطوخة. مرحلة وبقوم بعمل الحقوق كامل. أنا ما جايش من نحو الصدر. Yeah.